dont l'éclat se modifiait suivant les caprices de la brume. Quelques-unes de ces masses montraient des veines vertes, comme si le sulfate de cuivre en eût tracé les lignes ondulées. D'autres, semblables à d'énormes améthystes, se laissaient pénétrer par la lumière. Celles-ci réverbéraient les rayons du jour sur les mille facettes de leurs cristaux. Celles-là, nuancées des vifs reflets du calcaire, auraient suffi à la construction de toute une ville de marbre. Plus nous descendions au sud, plus ces îles flottantes gagnaient en nombre et en importance. Les oiseaux polaires y nichaient par milliers. C'étaient des pétrels, des damiers, des puffins qui nous assourdissaient de leurs cris. Le 15 mars, la latitude des îles New Shetland et des Orkney du sud fut dépassée. Le 16 mars, vers 8 heures du matin, le Nautilus suivant le 55e méridien coupa le cercle polaire antarctique. Les glaces nous entouraient de toutes parts et fermaient l'horizon. Cependant, le capitaine Nemo marchait de passe en passe et s'élevait toujours. « Mais où va-t-il » demandai-je. « Devant lui, » répondit Conseil. « Après tout, lorsqu'il ne pourra pas aller plus loin, il s'arrêtera. » « Je n'en jurerai pas, » répondis-je, « et pour être franc, j'avouerai que cette excursion aventureuse ne me déplaisait point. À quel degré m'émerveillaient les beautés de ces régions nouvelles, je ne saurais l'exprimer. Les glaces prenaient des attitudes superbes, et ces mosquées innombrables, là une cité écroulée et comme jetée à terre par une convulsion du sol. Aspect incessamment varié par les obliques rayons du soleil, ou perdu dans les brumes grises au milieu des ouragans de neige. Puis, de toutes parts, des détonations, des éboulements, de grandes culbutes d'iceberg qui changeaient le décor comme le paysage d'un diaporama. Lorsque le Nautilus était immergé, au moment où se rompaient ses équilibres, le bruit se propageait sous les eaux avec une effrayante intensité, et la chute de ces masses créait de redoutables remous jusque dans les couches profondes de l'océan. Le Nautilus roulait et tanguait alors comme un navire abandonné à la furie des éléments. Souvent, ne voyant plus aucune issue, je pensais que nous étions définitivement prisonniers. Mais l'instinct le guidant sur le plus léger indice, le capitaine Nemo découvrait des passes nouvelles. Il ne se trompait jamais en observant les minces filets d'eau bleuâtre qui sillonnaient les ice fields. Aussi ne mettais-je pas en doute qu'il n'eût aventuré déjà le Nautilus au milieu des mers antarctiques. Cependant, dans la journée du 15 mars, les champs de glace nous barraient absolument la route. Ce n'était pas encore la banquise, mais de vastes ice fields cimentés par le froid. Cet obstacle ne pouvait arrêter le capitaine Nemo, et il se lança contre l'ice field avec une effroyable violence. Le Nautilus entrait comme un coin dans cette masse friable et la divisait avec des craquements terribles. C'était l'antique bélier poussé par une puissance infinie. Les débris de glace, haut projetés, retombaient en grêle autour de nous. Par sa seule force d'impulsion, notre appareil se creusait un chenal. Quelquefois, emporté par son élan, il montait sur le champ de glace et l'écrasait de son poids, ou par instant, enfourné sur l'ice field, il le divisait par un simple mouvement de tangage qui produisait de larges déchirures. Pendant ces journées, de violents grains nous assaillirent. Par certaines brumes épaisses, on ne se fût pas vu d'une extrémité de la plateforme à l'autre. Le vent sautait brusquement à tous les points du compas. La neige s'accumulait en couches si dures qu'il fallait la briser à coups de pic. Bien qu'à la température de 5 degrés au-dessous de zéro, toutes les parties extérieures du Nautilus se recouvraient de glace. Un gréement n'aurait pu se manœuvrer, car tous les garants eussent été engagés dans la gorge des poulies. Un bâtiment sans voile, ému par un moteur électrique, qui se passait de charbon, pouvait seul affronter d'aussi hautes latitudes. Dans ces conditions, le baromètre se tint généralement très bas. Il tombait jusqu'à 73,5 cm. Les indications de la boussole n'offraient plus aucune garantie. Ces aiguilles, affolées, marquaient des directions contradictoires. En s'approchant du pôle magnétique méridional, qui ne se confond pas avec le sud du monde. En effet, suivant Einstein, ce pôle est situé à peu près par 70 degrés de latitude et 130 degrés de longitude, et d'après les observations de Duperré, par 135 degrés de longitude et 70,30 degrés de latitude. Il fallait faire alors des observations nombreuses sur les compas transportés à différentes parties du navire et prendre une moyenne. Mais souvent on s'en rapportait à l'estime pour relever la route parcourue, méthode peu satisfaisante au milieu de ces masses sinueuses dont les points de repère changent incessamment. Enfin, le 18 mars, après 20 assauts inutiles, le Nautilus se vit définitivement enrayé. Ce n'était plus ni les streams, ni les palques, ni les icefields, mais une interminable et immobile barrière formée de montagnes soudées entre elles. « La banquise, me dit le Canadien, si votre capitaine va plus loin. » « Eh bien, ce sera un maître homme. » « Pourquoi, Ned ?»« Parce que personne ne peut franchir la banquise. Il est puissant, votre capitaine, mais, mille diables, il n'est pas plus puissant que la nature. Et là où elle a mis des bornes, il faut que l'on s'arrête, bon gré mal gré. » « En effet, Ned Land, et cependant j'aurais voulu savoir ce qu'il y a derrière cette banquise. » Un mur, voilà ce qui m'irrite le plus. Monsieur a raison, dit Conseil, les murs n'ont été inventés que pour agacer les savants. Il ne devrait y avoir de mur nulle part. Bon, fit le Canadien, derrière cette banquise, on sait bien ce qui se trouve. Quoi donc, demandai-je? De la glace et toujours de la glace. Vous êtes certain de ce fait, Ned, répliquai-je, mais moi je ne le suis pas. Voilà pourquoi je voudrais aller voir. « Eh bien, monsieur le professeur, répondit le Canadien, renoncez à cette idée. Vous êtes arrivé à la banquise, ce qui est déjà suffisant, et vous n'irez pas plus loin, ni votre capitaine Nemo, ni son Nautilus, et qu'il le veuille ou non, nous reviendrons vers le nord, c'est-à-dire au pays des honnêtes gens. » Je dois convenir que Ned Land avait raison, et tant que les navires ne seront pas faits pour naviguer sur les champs de glace, ils devront s'arrêter devant la banquise. En effet, malgré ses efforts, malgré les moyens puissants employés pour disjoindre les glaces, le Nautilus fut réduit à l'immobilité. Ordinairement, qui ne peut aller plus loin en est quitte pour revenir sur ses pas. Mais ici, revenir était aussi impossible qu'avancer, car les passes s'étaient refermées derrière nous, et pour peu que notre appareil demeurât stationnaire, il ne tarderait pas à être bloqué. Ce fut même ce qui arriva vers 2 heures du soir, et la jeune glace se forma sur ses flancs avec une étonnante rapidité. Je dus avouer que la conduite du capitaine Nemo était plus qu'imprudente. J'étais en ce moment sur la plateforme. Le capitaine, qui observait la situation depuis quelques instants, me dit « Eh bien, monsieur le professeur, qu'en pensez-vous ? » « Je pense que nous sommes pris, capitaine. » « Pris ? » Et comment l'entendez-vous? J'entends que nous ne pouvons aller ni en avant ni en arrière, et d'aucun côté. C'est, je crois, ce qui s'appelle pris, du moins sur les continents habités. Ainsi, monsieur Aronnax, vous pensez que le Nautilus ne pourra pas se dégager? Difficilement, capitaine, car la saison est déjà trop avancée pour que vous comptiez sur une débâcle des glaces. Ah, monsieur le professeur, répondit le capitaine Nemo d'un ton ironique. Vous serez donc toujours le même. Vous ne voyez qu'empêchements et obstacles. Moi, je vous affirme que non seulement le Nautilus se dégagera, mais qu'il ira plus loin encore. Plus au sud? Demandai-je en regardant le capitaine. Oui, monsieur, il ira au pôle. Au pôle? M'écriai-je, ne pouvant retenir un mouvement d'incrédulité. Oui, répondit le capitaine, au pôle Antarctique, à ce point inconnu où se croisent tous les méridiens du globe. Vous savez si je fais du Nautilus ce que je veux. Il me vint alors à l'idée de demander au capitaine Nemo s'il avait déjà découvert ce pôle que n'avait jamais foulé le pied d'une créature humaine. « Non, monsieur, me répondit-il, et nous le découvrirons ensemble. Là où d'autres ont échoué, je n'échouerai pas. Jamais je n'ai promené mon Nautilus aussi loin sur les mers australes. Mais, je vous le répète, il ira plus loin encore. « Je veux vous croire, capitaine, repris-je d'un ton un peu ironique, je vous crois. Allons, en avant, il n'y a pas d'obstacle pour nous, brisons cette banquise, faisons-la sauter, et si elle résiste, donnons des ailes au Nautilus, afin qu'il puisse passer par-dessus. » « Par-dessus, monsieur le professeur, répondit tranquillement le capitaine Nemo. Non, point par-dessus, mais par-dessous. « Par-dessous ? » m'écriai-je. Une subite révélation des projets du capitaine venait d'illuminer mon esprit. J'avais compris. Les merveilleuses qualités du Nautilus allaient le servir encore dans cette surhumaine entreprise. « Je crois que nous commençons à nous entendre, monsieur le professeur, » me dit le capitaine, souriant à demi. « Vous entrevoyez déjà la possibilité, moi je dirais le succès, de cette tentative. Ce qui est impraticable avec un navire ordinaire devient facile au Nautilus. Si un continent émerge au pôle, il s'arrêtera devant ce continent. Mais si, au contraire, c'est la mer libre qui le gagne, il ira au pôle même. En effet, dis-je, entraîné par le raisonnement du capitaine, si la surface de la mer est solidifiée par les glaces, ses couches inférieures sont libres, par cette raison providentielle qui a placé à un degré supérieur à celui de la congélation le maximum de densité de l'eau de mer. Et, si je ne me trompe, la partie immergée de cette banquise est à la partie émergente comme 4 est à 1. À peu près, monsieur le professeur, pour un pied que les icebergs sont au-dessus de la mer, ils en ont 3 au-dessous. Or, puisque ces montagnes de glace ne dépassent pas une hauteur de 100 mètres, elles ne s'enfoncent que de 300. Or, qu'est-ce que 300 mètres pour le Nautilus ? Rien, monsieur. Il pourra même aller chercher à une profondeur plus grande cette température uniforme des eaux marines, et là, nous braverons impunément les 30 à 40 degrés de froid de la surface. « Juste, monsieur, très juste, » répondis-je en m'animant. « La seule difficulté, » reprit le capitaine Nemo, « sera de rester plusieurs jours immergés sans renouveler notre provision d'air. »« N'est-ce que cela ?» répondis-je. « Le Nautilus a de vastes réservoirs, nous les remplirons, et nous fournirons tout l'oxygène dont nous avons besoin. »« Bien imaginé, monsieur Aronnax, » répondit en souriant le capitaine. « Mais, ne voulant pas que vous puissiez m'accuser de témérité, » je vous soumets d'avance toutes mes objections. En avez-vous encore à faire ? Une seule. Il est possible, si la mer existe au pôle sud, que cette mer soit entièrement prise, et, par conséquent, que nous ne puissions revenir à la surface. Bon, monsieur, oubliez-vous que le Nautilus est armé d'un redoutable éperon, et ne pourrons-nous le lancer diagonalement contre ces champs de glace qui s'ouvriront au choc ? Eh, monsieur le professeur, vous avez des idées aujourd'hui. D'ailleurs, capitaine, ajoutai-je, en m'enthousiasmant de plus en plus, pourquoi ne rencontrerait-on pas la mer au pôle sud comme au pôle nord? Les pôles du froid et les pôles de la terre ne se confondent ni dans l'hémisphère austral, ni dans l'hémisphère boréal. Et jusqu'à preuve du contraire, on doit supposer ou un continent ou un océan dégagé de glace à ces deux points du globe. « Je le crois aussi, monsieur Aronnax, » répondit le capitaine Nemo. « Je vous ferai seulement observer qu'après avoir émis tant d'objections contre mon projet, maintenant vous m'écrasez d'arguments en sa faveur. » Le capitaine Nemo disait vrai. J'en étais arrivé à le vaincre en audace. C'était moi qui l'entraînais au pôle. Je le devançais, je le distançais. Mais non, pauvre fou, le capitaine Nemo savait mieux que toi le pour et le contre de la question. Et il s'amusait à te voir emporté par les rêveries de l'impossible. Cependant, il n'avait pas perdu un instant. À un signal, le second parut. Ces deux hommes s'entretinrent rapidement dans leur incompréhensible langage, et soit que le second eût été antérieurement prévenu, soit qu'il trouvât le projet praticable, il ne laissa voir aucune surprise. Mais si impassible qu'il fût, il ne montra pas une plus complète impassibilité que Conseil lorsque j'annonçai à ce digne garçon notre intention de pousser jusqu'au pôle sud. Comme il plaira à monsieur, accueillit ma communication et je dus m'en contenter. Quant à Ned Land, si jamais épaules se levèrent haut, ce furent celles du Canadien. « Voyez-vous, monsieur, me dit-il, vous et votre capitaine Nemo, vous me faites pitié. » « Mais nous irons au pôle, maître Ned. »« Possible, mais vous n'en reviendrez pas. » Et Ned Land rentra dans sa cabine. « Pour ne pas faire un malheur, dit-il en me quittant. » Cependant, les préparatifs de cette audacieuse tentative venaient de commencer. Les puissantes pompes du Nautilus refoulaient l'air dans les réservoirs et l'emmagasinaient à une haute pression. Vers 4 heures, le capitaine Nemo m'annonça que les panneaux de la plateforme allaient être fermés. Je jetai un dernier regard sur l'épaisse banquise que nous allions franchir. Le temps était clair, l'atmosphère assez pure, le froid très vif, 12 degrés au-dessous de zéro. Mais le vent s'étant calmé, cette température ne semblait pas trop insupportable. Une dizaine d'hommes montèrent sur les flancs du Nautilus et, armés de piques, ils cassèrent la glace autour de la carène qui fut bientôt dégagée. Opération rapidement pratiquée, car la jeune glace était mince encore. Tous nous rentrâmes à l'intérieur. Les réservoirs habituels se remplirent de cette eau tenue libre à la flottaison. Le Nautilus ne tarda pas à descendre. J'avais pris place au salon avec Conseil. Par la vitre ouverte, nous regardions les couches inférieures de l'océan austral. Le thermomètre remontait. L'aiguille du manomètre déviait sur le cadran. À 300 mètres environ, ainsi que l'avait prévu le capitaine Nemo, nous flottions sous la surface ondulée de la banquise. Mais le Nautilus s'immergea plus bas encore. Il atteignit une profondeur de 800 mètres. La température de l'eau, qui donnait 12 degrés à la surface, n'en accusait plus que 10. 2 degrés étaient déjà gagnés. Il va sans dire que la température du Nautilus, élevée par les appareils de chauffage, se maintenait à un degré très supérieur. Toutes les manœuvres s'accomplissaient avec une extraordinaire précision. « On pensera, n'en déplaise à monsieur, me dit Conseil. »« J'y compte bien, répondis-je avec le ton d'une profonde conviction. » Sous cette mer libre, le Nautilus avait pris directement le chemin du pôle, sans s'écarter du 52e méridien de 67°30 à 90°, 22,5° de latitude restaient à parcourir, c'est-à-dire un peu plus de 500 lieues. Le Nautilus prit une vitesse moyenne de 26 000 à l'heure, la vitesse d'un train express. S'il la conservait, 40 heures lui suffisaient pour atteindre le pôle. Pendant une partie de la nuit, la nouveauté de la situation nous retint, Conseil et moi, à la vitre du salon. La mer s'illuminait sous l'irradiation électrique du fanal, mais elle était déserte. Les poissons ne séjournaient pas dans ces eaux prisonnières. Ils ne trouvaient là qu'un passage pour aller de l'océan Antarctique à la mer libre du pôle. Notre marche était rapide, on la sentait telle au tressaillement de la longue coque d'acier. Vers 2 heures du matin, j'allais prendre quelques heures de repos. Conseil m'imita. En traversant les coursives, je ne rencontrai pas le capitaine Nemo. Je supposais qu'il se tenait dans la cage du timonier. Le lendemain 19 mars à 5 heures du matin, je repris mon poste dans le salon. Le loch électrique m'indiqua que la vitesse du Nautilus avait été modérée. Il remontait alors vers la surface, mais prudemment, en vidant ses réservoirs. Mon cœur battait. Allions-nous émerger et retrouver l'atmosphère libre du pôle? Non. Un choc m'apprit que le Nautilus avait heurté la surface inférieure de la banquise, très épaisse encore, à en juger par la matité du bruit. En effet, nous avions touché, pour employer l'expression marine, mais en sens inverse et par 3 000 pieds de profondeur, ce qui donnait 4 000 pieds de glace au-dessus de nous, dont 1 000 émergeaient. La banquise présentait alors une hauteur supérieure à celle que nous avions relevée sur ses bords. circonstance peu rassurante. Pendant cette journée, le Nautilus recommença plusieurs fois cette même expérience, et toujours il vint se heurter contre la muraille qui plafonnait au-dessus de lui. À de certains instants, il la rencontra par 900 mètres, ce qui accusait 1200 mètres d'épaisseur, dont 300 mètres s'élevaient au-dessus de la surface de l'océan. C'était le double de la hauteur que présentait la banquise au moment où le Nautilus s'était enfoncé sous les flots. Je notis soigneusement ces diverses profondeurs et j'obtins ainsi le profil sous-marin de cette chaîne qui se développait sous les eaux. Le soir, aucun changement n'était survenu dans notre situation. Toujours la glace entre 400 et 500 mètres de profondeur. Diminution évidente, mais quelle épaisseur encore entre nous et la surface de l'océan? Il était 8 heures alors. Depuis 4 heures déjà, l'air aurait dû être renouvelé à l'intérieur du Nautilus, suivant l'habitude quotidienne du bord. Cependant, je ne souffrais pas trop, bien que le capitaine Nemo n'eût pas encore demandé à ses réservoirs un supplément d'oxygène. Mon sommeil fut pénible pendant cette nuit. Espoir et crainte m'assiégeaient tour à tour. Je me relevai plusieurs fois. Les tâtonnements du Nautilus continuaient. Vers 3 heures du matin, j'observai que la surface inférieure de la banquise se rencontrait seulement par 50 mètres de profondeur. 150 pieds nous séparaient alors de la surface des eaux. La banquise redevenait peu à peu icefield. La montagne se refaisait plaine. Mes yeux ne quittaient plus le manomètre. Nous remontions toujours en suivant, par une diagonale, la surface resplendissante qui étincelait sous les rayons électriques. La banquise s'abaissait en dessus et en dessous par des rampes allongées. Elle s'amincissait de mille en mille. Enfin, à 6 heures du matin, ce jour mémorable du 19 mars, la porte du salon s'ouvrit, le capitaine Nemo parut. « La mer libre !» dit-il. Chapitre 14. Le pôle sud. Je me précipitai vers la plateforme. Oui, la mer libre. À peine quelques glaçons épars, des icebergs mobiles. Au loin, une mer étendue, un monde d'oiseaux dans les airs et des myriades de poissons sous les eaux qui, suivant les fonds, variaient du bleu intense au vert olive. Le thermomètre marquait 3 degrés centigrades au-dessous de zéro. C'était comme un printemps relatif, enfermé derrière cette banquise dont les masses éloignées se profilaient sur l'horizon du nord. « Sommes-nous au pôle ? » demandai-je au capitaine, le cœur palpitant. « Je l'ignore, » me répondit-il. « À midi, nous ferons le point. » « Mais le soleil se montrera-t-il à travers ces brumes ? » dis-je en regardant le ciel grisâtre. « Si peu qu'il paraisse, il me suffira, » répondit le capitaine. À 10 miles du Nautilus, vers le sud, un îlot solitaire s'élevait à une hauteur de 200 mètres. Nous marchions vers lui, mais prudemment, car cette mer pouvait être semée d'écueils. 1 heure après, nous avions atteint l'îlot. 2 heures plus tard, nous achevions d'en faire le tour. Il mesurait 4 à 5 miles de circonférence. Un étroit canal le séparait d'une terre considérable, un continent peut-être, dont nous ne pouvions apercevoir les limites. L'existence de cette terre semblait donner raison aux hypothèses de Maury. L'ingénieux américain a remarqué en effet qu'entre le pôle sud et le 60e parallèle, la mer est couverte de glaces flottantes, de dimensions énormes, qui ne se rencontrent jamais dans l'Atlantique Nord. De ce fait, il a tiré cette conclusion que le cercle antarctique renferme des terres considérables, puisque les icebergs ne peuvent se former en pleine mer, mais seulement sur des côtes. Suivant ses calculs, la masse des glaces qui enveloppe le pôle austral forme une vaste calotte dont la largeur doit atteindre 4000 km. Cependant, le Nautilus, par crainte d'échouer, s'était arrêté à 3 encablures, d'une grève que dominait un superbe amoncellement de roches.